L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Werewolf Baby, Werewolf Baby, c'est à l'instant c'était Rob Zombie qui ouvrait cette émission de l'heure du loup. Soyez les bienvenus tous autant que vous êtes. Vous êtes bien sur Osmose Radio dans votre playlist Rock et New Wave avec Stéphane qui, comme Rob Zombie, a pas mal de poils lui aussi, mais de là en faire un loup-garou, faut peut-être pas pousser. Et on commençait cette playlist ce soir avec ce morceau Werewolf Baby qui est un extrait de l'album Hellbilly Deluxe 2 qui en fait c'est une playlist qui sera consacrée ce soir au thème du loup dans la musique. musique. Je me fais ce petit plaisir une fois par an. Un thème assez riche. Vous aurez, si vous ne le savez pas déjà, vous allez le découvrir avec la sélection musicale que je vous concoctais ce soir. Voilà, une émission sur le thème du loup, vous disais-je. Et on commençait avec cette histoire de loup-garou, werewolf. Et on va continuer avec un autre loup, mais un autre rocker qui s'appelle justement Lou Reed. Et tout de suite le titre « Vicious ». Vicious, Lou Reed, c'est un extrait de l'album Transformer qui est sorti en 72. Lou Reed, dans sa grande période glam, hein, Transformer, bah peut-être qu'il devait côtoyer d'ailleurs des transformistes, qui est une version un petit peu différente de vouloir se transformer à tout prix, pas forcément en loup-garou, mais en autre bestiole assez incroyable. Soyez les bienvenus, chers amis. Mes petits loups, ce soir, ce sera une émission consacrée au thème de, au nom de cette émission, un thème un petit peu particulier que j'avais envie d'explorer avec vous, la symbolique du loup en musique et principalement dans les styles qui nous intéressent, le rock, la new wave et styles assortis. Puisque c'est une bestiole plutôt intéressante à des tas de degrés, hein, au niveau sociologique, son organisation sociale, c'est assez passionnant. Au niveau écologique, biologique, tout ça, enfin, je sais pas quels sont vos violons dingres, ce que vous aimez faire d'autre qu'écouter Osmose Radio, mais il y a forcément des aspects de la vie de cette bestiole-là qui vous intéressent en particulier et pas seulement quand vous écoutez l'heure du loup, chers amis. Eh bien, et c'est aussi un animal qui a une symbolique forte et qui se prête donc aux interprétations artistiques beaucoup dans l'art en règle générale, hein, la peinture, tout ça. Je vous fais pas un dessin, vous tapez quelques mots dans un moteur de recherche et vous tombez sur des tas de magnifiques illustrations, des tableaux de l'époque médiévale, etc., etc., ou plus anciens encore. Je pense à la louve romaine. Mais aussi en musique, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses et je vous dis pas le mal que j'ai eu à me limiter à une playlist d'une heure ce soir. Et les styles, il y a des styles qui se prêtent mieux que d'autres. et donc forcément le rock plus particulièrement, et notamment le rock, le rockabilly, le psychobilly, ces styles un petit peu rétro qui s'accommodent de thèmes un petit peu macabres et sanglants, et le loup a fort à faire dans ce genre de thème. Là, c'est pour ça que je vous propose de continuer cette playlist avec un groupe psychobilly allemand, The Other, qui sur l'album New Blood en 2010 sortait le morceau qu'on va écouter tout de suite. Janvier est le mois de la lune du loup dans la mythologie des Amérindiens, et justement la lune du loup, c'était la pleine lune du loup, c'était il n'y a pas longtemps, et toutes ces bestioles hurlaient à la lune. C'est l'objet du morceau qu'on va écouter tout de suite, The Other, Howling at the Moon. Yeah. La Marca del Hombre Lobo, tout un instant par les Motor Zombies, la marque de l'homme loup, vous l'avez dans les oreilles pour le moment avec cet extrait de l'album qu'ils avaient sorti en 2009, Curse of the Spanish Horror Movies. Et il faut croire que les films d'horreur espagnols hein, des années 50-60, un petit peu comme les films de la Hammer ou un petit peu comme les films de Jean Rollin chez nous, ont fait pas mal d'émules, notamment en musique. Hein. Je pense à l'époque, dans les années 60, en Espagne, il y avait un chanteur de rockabilly, enfin de rock'n'roll qui s'appelait Andrés Pajares, et il avait un titre qui avait fait cartonner, même à l'étranger, qui s'appelait Dracula Yeye. Voilà, donc pour vous voyez donc cette manière d'associer les deux, hein, thème un petit peu horrifique, film d'horreur, tout ça, et rockabilly à l'ancienne, eh bien tout ça ne date pas d'hier, mais les groupes d'aujourd'hui le font très bien, comme les Motor Zombies qu'on vient d'écouter à l'instant, et leurs compères allemands, eux, pas espagnols, puisque les Motor Zombies nous viennent de Barcelone, et ils nous viennent de l'autre côté du Rhin, The Other, qu'on écoutait tout à l'heure, avec le titre Howling at the Moon. Hurler à la lune comme le font si bien les loups qui sont le thème de l'émission ce soir. Les loups. Ben justement, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un il y a 6 ou 8 mois. Un homme loup plutôt sympa. Je me suis pas fait mordre, mais par contre, je suis assez mordu de son répertoire. Puisque c'est un garçon que j'avais découvert il y a un petit peu plus d'un an, quand il était passé ici à Avignon en concert. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer un petit peu plus longuement. Il m'a accordé une interview, c'était pendant le mois de juillet, pendant la période du Festival d'Avignon, et il faisait un petit concert au Pub Z. Et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, et j'avais ce fichier MP3 dans un coin depuis quelques temps, et je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais de vous passer ce soir dans mon émission consacrée au thème du loup. Alors par contre, j'ai eu un petit souci technique cet après-midi, puisque c'est une interview que j'ai faite en anglais, et du coup, j'aurais dû vous la monter, vous la doubler, mais le truc c'est que ça n'a pas été possible. Donc du coup, eh bien, je vais faire un petit peu comme dans le film La Cité de la Peur avec le doublage à la bouche là, ou bien dans le dessin animé Ken le Survivant avec les doublages tout pourris. Je vais vous faire ça en direct, mais j'ai bien préparé mon truc et vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule et de mon accent en anglais, hein. Je vous en veux pas, ce sera de bonne guerre, mais vous allez tout comprendre, vous en faites pas. Et ce garçon de toute manière est assez amusant et assez sympa à écouter. El Hombre Lobo International, c'est de lui qu'il s'agit, un espagnol qui nous vient de l'autre côté des Pyrénées et dont l'inertie n'a rien à envier aux anglo-saxons, voire même aux français. On écoute ça tout de suite et on se retrouve après. Hola amigos, soy el hombre lobo international. ¿Cómo estáis? Let's howl together. Do you mind? Okay. Oh, yeah! Good. Okay, we get along. Now each other. We can start the interview. Okay, so it is at least your second time, your second play. C'est au moins la deuxième fois que tu joues ici à Avignon. Yeah, in Pub Z, like tonight, Turbo Jugend, the people from Turbo Jugend brought me. Oui, effectivement, au Pub Z comme ce soir, hein, c'est la Turbo Jugend d'Avignon qui m'avait invité, et je suis heureux d'être là. And we are glad too. You can be proud and sure about that. And you're really into old-fashioned rock and roll. Tes influences sont plutôt rétro, le rock des années 50, 60. Lesquelles tu revendiques? Cramps, on all the great late 50s, like Chuck Berry. Mes influences principales, c'est les Ramones, c'est les Cramps. Mais dans un autre genre, les trucs des années 50, en effet. Azzy Atkins, par exemple, qui était lui aussi, comme moi, un one-man band. Tous les musiciens des années 50 et les punks, en fait. I make search about old-fashioned ancient rock and roll, Spanish rock and roll, mostly about new wave. La scène espagnole, de par mes recherches, j'ai pu voir qu'elle était très riche et même avant la période de la movida dans les années 60, je pense au groupe Los Bravos qui avait fait Black is Black, qui avait été chanté par Johnny Hallyday chez nous. Est-ce qu'il y a des groupes espagnols qui t'ont plutôt influencé que tu revendiques? Was amazing, but even before the movida, there were good rock and roll band in Spain. What do you think about that? Yeah, I like the Los Cidex, you know, Los Cidex, and Los Salvajes, also, and Bruno Lomas, also. Bruno Lomas, oui, c'était l'Elvis Presley espagnol, on l'aimait tous. Je me souviens pas de tous les groupes de cette époque en fait, mais il y a aussi Los Bravos, comme t'as dit, qui était de Majorque, comme moi. Et il faut savoir que Majorque, l'île de Majorque dans les Baléares, en Espagne, c'est un petit peu comme Alcatraz aux États-Unis. En fait, ils m'ont mis là-bas pour que je morde personne. Yes, because I must precise to the listeners that you are a werewolf, but I don't understand. This is not... Je dois préciser quand même aux auditeurs que t'es un loup-garou, mais c'est pas la pleine lune ce soir, je suis étonné. C'est une malédiction permanente? Well, I mean, I'm working as a teen wolf, you know, on the film Michael Fox turned into a wolf whenever he wanted to play basketball. So, je suis un peu comme Michael J. Fox dans le film où il se transforme en loup-garou dès qu'il veut jouer au basket. Moi, je deviens loup-garou dès que je veux jouer du rock'n'roll parce que je suis mordu de rock'n'roll. Right. And your influences in old fashioned 1960s rock and roll, and nowadays what are the bands that you are listening? Des musiciens plus récents que tu aimes, hein? Or now, you mean? 90s or nowadays? Well, I like a lot of bands, but the Ramones and the Cramps were also in the 90s playing. J'avoue que je me suis un petit peu calmé dans les années 90, les Ramones, les Cramps jouaient déjà dans les années 90, mais comme je t'ai dit, j'apprécie les gens qui apprécient l'esprit du punk et le son rétro des années 50, notamment les Meteors. Rock and rolling, you know. So the typical question for a French interview: what are the French rock and roll bands that you know? What are the French rock and roll bands that you like or dislike? Oh no, no! I don't dislike nobody. You know, I like a lot of Plastic Bertrand. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. I love it. I love it. Yeah. No offense, but désolé, mais il était pas français, il était belge. Oh, sorry, French people. Sorry. Well, I thought it was French. Sorry. But you're a werewolf, so you bite everywhere. Tu mords partout, t'es un loup-garou, tu t'en fous. Like the French people, you are international. Oh, that's very kind. I hope so. And you were in Italy, now you came in France in the most... Alors en fait, ta tournée t'a amené en France aujourd'hui, ce soir, mais tu étais en Italie auparavant. Comment ça s'est passé? Comment est la scène rock là-bas? How is the rock and roll scene there? It's pretty good. For the monobanda, which is they call monobanda as a one man band. En Italie, ils ont un terme. Ils disent monobanda. En fait, ce sont les types qui font le show tout seuls. Ce sont des groupes d'une personne, quoi. Un petit peu comme moi. Et il y en a pas mal là-bas. Du coup, il y a beaucoup de lieux, de petites scènes pour les gens calibrés comme moi, en fait, sur scène. Et Freddy Coratella, notamment, organise à Rome un festival de groupes d'une personne, de one man band, comme ça. Et il m'a invité là-bas. C'est un ami, hein, en fait. Et du coup, il m'a invité. Comme ici à Avignon, c'est Julien de la Turbo Jungen qui m'a invité. Je connais aussi Mumbling Caveman à Montpellier. Tout ça, c'est des amis et c'est grâce à eux que je tourne. Et on passe de sacrés bons moments. Julien Barbao, also Mumbling Caveman, which is a one-man band from Montpellier, also helped me going on and touring and having a nice time together. Yes, and we had a nice time tonight here because of you, oh, thanks to you, I mean. And well, to conclude this interview, I thank you a lot. Pour conclure cette interview, déjà je te remercie. Tu jouais fort, tu chantais fort, et nous, du coup, logiquement, on a dansé fort. Y aurait quelques mots précis avec lesquels tu voudrais conclure cette interview? What kind of word would you use to conclude this interview? What? Pardon, I couldn't listen because I'm so. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, je comprends pas. Je suis un peu sourd après les concerts. Let's out together. Oh yeah, I'm the one and only one Wolfman band, El Hombre Lobo International. Have you heard about the Wolfman, Tom? All right, I like it like that. Everybody! El Hombre Lobo International avec le titre Wolfman's Tomb. C'est un extrait donc de son répertoire et juste avant vous avez eu un petit aperçu de son humour aussi, avec ou sans son masque de loup-garou, qui dans l'interview que j'avais faite au mois de juillet, quand il avait été invité par l'équipe Turbo Jungen d'Avignon à venir se produire au Pub Z, et c'était un concert sympa. Manifestement il reviendra sans doute assez régulièrement, donc si le cœur vous en dit, en France, à Avignon, en France ou en Navarre d'ailleurs, donc si le cœur vous en dit, ne faites-vous plaisir, allez voir ce garçon sur scène, qui est tout seul, hein, comme il l'a précisé, mais alors, qui fait du bruit comme s'ils étaient 10, quoi. Et c'est assez marrant d'ailleurs sur scène, parce qu'il a une veste un petit peu comme dans Sailor et Lula, là, vous savez, Sailor a une veste à paillettes pour se remémorer un petit peu son idole Elvis Presley, et bien El Hombre Lobo International a un petit peu la même chose, mais vous lui rajoutez un masque de loup-garou et avec lequel il hurle à la lune et en rugissant ses chansons, ses compos dans le micro les soirs de concert. Voilà, je vous mettrai un lien évidemment sur le Facebook de l'Heure du Loup pour que vous puissiez aller en découvrir un peu plus sur ce garçon assez intéressant. Il est pas chiant à diffuser, hein, parce qu'il a rarement des titres qui dépassent les 3 minutes. C'est pas du black metal ni du rock progressif, et du coup voilà, j'aurai peut-être même l'occasion de vous en repasser, allez savoir. Voilà, et je vous le disais tout à l'heure, le psychobilly, le rockabilly s'accommode assez bien du thème du loup qui est à l'honneur dans la playlist de l'heure du loup ce soir. Voilà chers amis, et là on va aller vers des styles un petit peu différents, tout aussi rock, mais dans une autre branche on va dire de ce grand arbre généalogique, et c'est le groupe emblématique du rock gothique californien Christian Death, avec le chanteur Ross Williams, qui lui-même n'était peut-être pas autant de poils que El Hombre Lobo International, mais qui avait quand même un charme canin, hein, qui avait du chien en quelque sorte, hein, avant de se suicider en 98. Et 5 ans avant ce triste événement, eh bien, il sortait l'album Path of Sorrow en 93, et tout de suite je vous propose d'écouter le titre Hour of the Wolf. Shut up! Je sais pas si les loups sont entrés dans Paris comme dans la chanson de Serge Reggiani, mais en tout cas ils sont entrés dans votre poste et dans vos oreilles et dans votre esprit, mes petits loups, puisque à l'instant on écoutait Les Parallèles de Montségur avec le titre Les Loups, et c'était enchaîné juste avant avec un groupe de rock gothique, celui-là, après ce groupe de post-punk de Montpellier qui sortait ce titre, Les Loups, en 1990. Et bien, à peu près à la même époque, c'était Christian Death en 93 qui sortait l'album Path of Sorrows et le titre qu'on écoutait Hour of the Wolf. Le loup qui est à l'honneur dans la playlist ce soir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Chers amis, vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes dans votre playlist Rock et New Wave, l'heure du loup qui porte bien son nom ce soir puisque c'est le thème, hein. Puisqu'on est en fin d'après-midi, début de soirée, c'est l'heure à laquelle la lumière du jour change, hein. On dit entre chien et loup, et bien justement c'était le moment approprié pour caser dans la grille des programmes d'Osmose Radio une émission rock consacrée, en tout cas portant le nom de ce bel animal-là qui m'intrigue, je ne m'en cache pas, et auquel je voulais consacrer une playlist à l'occasion de ce qui est peu ou prou l'anniversaire de l'Heure du Loup d'ailleurs, puisque l'émission avait commencé en janvier 2014. Et je tenais plus précisément à le faire, alors même que je vous à faire cette playlist un petit peu anniversaire, entre guillemets, même si j'ai quelques semaines de retard, puisque cette année, cette saison sera la dernière de l'Heure du Loup sur Osmose Radio. Voilà, donc je vous l'annonçais le topo la semaine dernière. Je vous le répète ce soir, et donc c'est avec plaisir que j'ai envie de continuer cette seconde partie d'émission avec un style un petit peu différent, puisque jusqu'à présent on a exploré le thème du loup dans les musiques rock, et là on va aller vers des choses peut-être un petit peu plus new wave et électro, notamment avec le groupe Agentside Grinder, qui est un groupe d'électropop suédois. La Suède, vous savez, le pays d'Ingmar Bergman, le gars qui avait réalisé L'Heure du Loup, justement, le film. Et bien... faut croire que ça a inspiré ces jeunes gens, puisqu'en 2011, ils sortaient un single qui s'appelait Wolf Hour, justement. En suédois, on dit Vark Timmen, et bien en anglais, on dit Wolf Hour, et c'est justement ce qu'on écoute tout de suite. I've heard a rumor resting deeply at the bottom, speaking harshly. Close to us now. A solid stone. Que se passe-t-il? Jeanne, c'est la Jeanne, on l'a retrouvée nue, couverte de sang. Où ça? Aux lisières de la forêt. Ce n'est pas un simple loup qui sème la terreur en Gévaudan, ni une créature mythologique, mi-homme, mi-bête, comme on l'écrit dans la Gazette. C'est bien plus abominable. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde ! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Si c'était pas un loup. C'était quoi alors si c'était pas un loup? On saura jamais vraiment hein, ce qui était la bête du Gévaudan. À l'instant, on vient d'écouter un extrait du fameux film de Christophe Gans qui était sorti en 2001, qu'il avait consacré à ce mystère mystérieux, Le Pacte des Loups. Hein. Et à l'instant, donc, on écoutait quelques extraits. C'était enchaîné juste avant avec Agence and Grinder et le titre Wolf, the Wolf Hour qui était sorti en 2011, soit 10 ans plus tard. Et la thématique revient régulièrement, faut croire. Alors, la bête du Gévaudan, hein, vous avez tous entendu parler de cette histoire qu'on n'a jamais réellement résolu. On ne savait pas si c'était réellement une meute de loups affamés dans cette région de France pendant le règne de Louis XV, ou bien si c'était un animal qui s'était échappé d'un cirque, ou bien si c'était vraiment une conspiration d'éléments les plus durs du régime royaliste qui voulait créer une aura de mystère autour d'une série de crimes pour contrer un petit peu la philosophie des Lumières qui se répandait partout à travers la France et aussi à travers l'Europe. On ne saura jamais réellement. Toujours est-il que, pour l'anecdote, c'est la Gazette d'Avignon qui à l'époque, en 1764, avait parlé à la première de cette série de meurtres qui avait lieu au Gévaudan. Pas très très loin d'ici, finalement, c'est derrière les Cévennes. Voilà, chers amis, mes petits loups, on va continuer un petit peu, mais si vous avez dansé pendant toute cette grande partie de première partie d'émission, dans votre chambre, hein, eh bien, vous avez dû transpirer et maintenant, ben, ça sent le loup. C'est un petit peu logique. Mais là, du coup, rassurez-vous, on va aller vers des choses un petit peu plus calmes. Et notamment, bah, je voulais quand même signaler un truc, c'est que si le thème du loup inspire dans les arts en général, dans la musique en particulier, les artistes et tous les créateurs, ça peut aussi être dans des domaines un petit peu plus réservés, notamment dans la musique de jeux vidéo. Je pense notamment à un jeu rétro que certains hardcore gamers portent peut-être dans leur cœur, ce qui est aussi mon cas, c'est le jeu Gabriel Knight 2, The Beast Within, qui était sorti en 1995 et qui était justement une histoire de... Vous étiez en Bavière et vous deviez combattre un loup-garou qui semait le chaos dans la région depuis le 18e siècle, justement, l'époque de la bête du Gévaudan. Et donc, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale de ce jeu vidéo-là, qui avait été composé par Robert Holmes et qui a été fait l'objet d'un remix récemment que je propose d'écouter tout de suite, Grace's Dream. Thank you. jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien, étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le loup le quitte alors. Et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Un instant, c'était la voix de Gérard Philippe qui récitait ce poème d'Alfred de Vigny, La mort du loup. Un poème qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais petit et que j'ai redécouvert, en fait, récité par Emir Kusturica dans un film qui s'appelle L'affaire Farewell, que je vous recommande parce que là aussi, il est question d'un loup solitaire soviétique qui est espionné pour le profit de la France, de la DST, au début des années 80, puis qui un jour s'est fait choper. L'affaire Farewell, très, très bon film. Et à l'instant, donc, on écoutait Gérard Philippe qui récitait ce poème parce que je vous cache pas que je me suis replongé un petit peu dans certaines lectures pour préparer cette émission sur le thème du loup ce soir. Notamment, j'ai relu quelques passages de Cro-Blanc qui, là aussi, m'avaient fait forte impression dans mon enfance. Jack London, un auteur qui ne doit pas déplaire à ma collègue Laurence, la littéraire d'Osmose Radio, que vous pourrez d'ailleurs retrouver avec moi vendredi après-midi pour une nouvelle émission. Mais je vous en dirai plus vendredi après-midi, justement. Et pour le moment, ce soir, comme je vous le disais, je me suis replongé un petit peu dans le thème. Et Cro-Blanc, c'est vraiment un bouquin magistral, à mon humble avis. Et tout ça pour dire que le loup est un animal symbolique qui inspire beaucoup des tas d'artistes différents, les musiciens, les auteurs de littérature, les cinéastes et aussi les créateurs de jeux vidéo, comme l'extrait qu'on écoute tout à l'heure du jeu vidéo Gabriel Knight 2, The Beast Within, avec le thème du un passage au moment où Grace Nakimura, la collègue de Gabriel Knight, a un rêve prémonitoire, et c'était la musique composée par Robert Holmes pour l'occasion. Voilà. Par contre, j'ai attendu à la fin de l'émission pour aborder un thème un petit peu plus problématique, mais que je dois aussi signaler, bien entendu, c'est que le loup, malgré le fait que ce soit un animal qui écologiquement est très important, qui aussi nous fascine, et pour de multiples raisons, hein, le chien est le meilleur ami de l'homme, mais le chien c'est un ancien loup, ne l'oublions pas. Bref, pour toutes ces raisons, c'est un animal important et qui reste sauvage, mais sans lequel on ne saurait vivre. Et pourtant, le truc, c'est que la symbolique, il y en a qui se la réapproprient pour des fins politiques. Et c'est rarement pour des buts politiques très louables. Je pense notamment à tout ce qui est extrême droite et les éléments les plus radicaux, notamment les nationaux-socialistes. Et c'était le cas dans les années 40, hein, au moment où l'amiral Dönitz appelait ses sous-marins les meutes de loups, hein, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de faire face à la Royal Navy ou la marine française, du moins dans les premiers temps de la guerre, du coup il avait mis en place des tas de sous-marins qui faisaient la chasse aux navires alliés, et avec un certain succès d'ailleurs. Donc les meutes de loups qui parcouraient l'Atlantique et la mer du Nord, eh bien, c'est justement le thème qui a fasciné le groupe Sturmwehr, un groupe de rock nationaliste allemand qui prouve, s'il en était besoin, bien que ça me fasse mal au cul de l'admettre, pendant longtemps le rock néo-nazi, le rock nationaliste, le RAC, le Rock Against Communism, tout ça c'était vraiment des groupes de merde avec du son tout pourri et qui éructaient plus qu'ils ne chantaient. Depuis une quinzaine d'années, ça a beaucoup évolué et il y a des bons groupes. Très objectivement, il faut savoir le reconnaître. Et donc, Sturmwehr est de cela. Et vous pensez bien que je vous diffuserai pas sur Osmose Radio des chansons qui appellent à gazer les juifs ou à décapiter des tziganes. Hein. Ne serait-ce que parce que c'est dégoûtant déjà, mais en plus aussi tout simplement parce que c'est illégal et que ça m'intéresse pas. Mais Sturmwehr, justement, sait ne pas tomber dans cet écueil en assumant totalement leur position de réactionnaire. Mais en même temps, temps et de nationalistes allemands, mais en même temps ils ont quand même des musiques assez intéressantes. Et dans le titre qu'on va écouter tout de suite, Wolf der Meer, qui justement est une référence aux meutes de loups, les sous-marins allemands de la Deuxième Guerre mondiale, et bien justement il parle du sacrifice des sous-mariniers allemands dans les derniers temps de la guerre, qui périssaient par centaines et qui reposent encore aujourd'hui au fin fond de la mer du Nord et de la mer Baltique. Donc tout de suite je vous propose d'écouter ça, Sturm vers Wolf der Meer. We'll be right back. l'écho du sonar pour conclure ce titre, Sturmwehr, Wolf der Meer, les loups des mers. C'était donc un extrait de cette scène un petit peu, enfin cette scène alternative de fait du rock nationaliste qui, sur laquelle on trouve dans le public ou sur scène énormément de gros cons réactionnaires, mais pour lequel il faut quand même admettre qu'il y a des groupes qui ont du talent, notamment celui qu'on vient d'écouter, Sturmwehr, un groupe nationaliste allemand qui faisait une petite dédicace comme ça aux soldats de allemands de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, mais bon, ainsi les nazis se réapproprient le symbole du loup. Moi, ce soir, dans cette playlist que je consacrais à ce charmant animal, eh bien, j'avais envie quand même de montrer qu'il y avait quand même beaucoup d'aspects festifs et positifs à ce symbole-là qui me tient à cœur en particulier, au point que j'ai appelé cette émission l'heure du loup. Et à propos du nazisme, eh bien, justement, on est très content que ce soit fini. On fera en sorte que ça ne revienne pas, hein, et Marine et consorts, et par conséquent, eh bien, il vaut mieux savoir en rire et le tourner en dérision, voire aussi le mettre en scène, comme c'était notamment le cas, ben, là encore, dans un jeu vidéo, le jeu vidéo Castle Wolfenstein, qui, depuis quelques années, une bonne vingtaine d'années déjà, est un beau succès sur console et sur PC, et dans sa dernière mouture, en 2014, les créateurs de ce jeu vidéo avaient eu l'excellente idée de faire une bande originale tout à fait singulière et franchement très originale à leur création. Alors, un jeu vidéo dont le gentil technicien d'Osmose Radio, Lucas, me dit qu'il était absolument génial, je veux bien le croire, n'y ayant pas joué. Mais un point sur lequel nous sommes d'accord, cher ami, c'est que la bande originale était vraiment terrible. Je vous en avais déjà ramené il y a quelques fois dans l'heure du loup, notamment. Et ce soir, ben justement, c'est un groupe imaginaire qui figure dans cette bande originale de ce jeu vidéo, Wolfenstein. Un groupe imaginaire qui reprend un titre que vous reconnaîtrez aisément, mais il le reprend pas dans sa version rock'n'roll, mais plutôt dans une version en allemand et à l'accordéon. C'est Wilbert Eckart et Seine Volksmusikstars. Et tout de suite, on écoute cet extrait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une émission où il sera question d'amour, mes petits loups. Allez, passez une bonne fin de soirée. Bisous, à bientôt. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätt ich meinem Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführt und gemein. Neu-Berlin, eingetriebener von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Haus Abendrot.